Galaxy Pop a changé d'adresse. Ce n'est plus Constellation, mais Nouveauté. 30 jours de podcast pour mettre des paupiètes dans votre vie. Galaxy Pop Nouveauté, c'est mon produit de beauté. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Deux Banques Sinon Rien. Allez, on continue sur notre lancée. Aujourd'hui, le corbeau va nous parler d'un film d'action nommé Qui suis-je ? Puis il va enchaîner avec le très connu Dans les griffes du dragon rouge avec Dolph Lundgren et Jason Lee. Alors d'ailleurs, encore une fois, les copains d'iKick en ont fait un très bon podcast, je vous conseille d'aller l'écouter. Voilà, ça c'était pour la pub d'iKick, ça doit être contractuel, j'en parlais toutes les semaines, sinon je tombe malade. Voilà, c'est comme ça. Non, bon, blague à part, en tout cas, ils en ont fait un très bon épisode, je vous conseille quand même d'aller l'écouter. Et puisque le corbeau vous parle de Dolph Lundgren et des années 90, et ben j'ai décidé d'en faire de même, et on va vous offrir un triple programme Dolph Lundgren, puisque derrière je vous parlerai de Dark Angel, pas la série avec Jessica Alba, le film avec Dolph Lundgren, faut suivre un petit peu les gars. Puis je terminerai par Commandant d'élite, un film de et avec Dolph Lundgren qui date de 2009. Bref, écoutons déjà le corbeau nous parler de Qui suis-je ? Seul survivant d'un commando envoyé en Afrique pour y subtiliser une nouvelle arme très puissante, Jackie est recueilli par des autochtones qui le surnomment Qui suis-je ? Les seuls mots qui sortent de la bouche de Jackie devenus amnésiques. Lorsqu'il rejoint la civilisation, son seul but est de retrouver son identité et le traître qui les a vendus, causant la mort de toute son équipe. Oui, je sais, je suis une feignasse, je viens de vous lire le résumé Wikipédia. Mais bon, je mets autant de bonne volonté que ce film à vous faire plaisir. Et oui, après un début qui pourrait s'appeler Jackie au Congo, le film est de 1998. Avec des poncifs qui feraient frémir tous les progressistes, Jackie se rend en Hollande et continue de ne rien faire. Enfin, quand je dis de ne rien faire, c'est-à-dire ne pas faire ce qu'on attend de lui, des chorégraphies endiablées de combat. Il s'agite juste dans tous les sens en s'exprimant comme un débile sous anesthésie. Mention spéciale au doublage pas loin du danard avec des voix féminines hyper criardes, des dialogues qui ont l'air d'avoir été improvisés devant la caméra, et Jackie Chan qui a parfois un accent chinois digne de Michel Leeb. On essaye de se la jouer grosse prod avec des acteurs américains qui viennent cachetonner, mais s'en foutent clairement. En fait, ce pourquoi j'ai regardé ce film commence 15-20 minutes avant la fin. Une bagarre bien menée sur un toit avec deux ennemis. 1h20 de remplissage, on frôle l'escroquerie. D'ailleurs, le film est censé durer 2 heures, j'ai une version d'1h48. Ça sent la coupe sauvage. Bref, un film peu inspiré, qui ne m'a tiré un sourire que sur le traditionnel bêtisier final. Pas indispensable, et sûrement pas le meilleur moyen d'apprécier Jackie Chan à sa juste valeur. Et ben, comment dire que le corbeau ne m'a pas du tout convaincu de voir ce film, voire même de le fuir. Bon, allez, qu'en est-il de Dans les griffes du dragon rouge ? J'espère qu'il en parlera un petit peu mieux. On va revenir dans les années 90, parce qu'évidemment, c'était mieux avant, et plus précisément en 1991, avec Dans les griffes du dragon rouge, du tristement célèbre Mark L. Lester, connu pour son film sur un Autrichien génocidaire d'une paisible population insulaire suite à un problème de garde d'enfants. Dans ce film, Chris Kenner, Dolph Lundgren, fait équipe avec son nouveau partenaire, Brandon Lee. Dolph est un Américain qui a grandi au Japon, et Brandon, un Américain d'origine japonaise, qui ne connaît pas vraiment sa culture d'origine. Suite à une tentative de racket dans un restaurant, ils finissent par mettre à jour les activités du clan de la Serre de Fer, un groupe Yakuza, qui fait aussi du trafic de drogue. Les chenapans. Et comme le monde est petit, Dolph reconnaît le chef du clan, Yoshida, Kari Hiroyuki Tagawa, qui s'avère être l'assassin de ses parents. Et que va-t-il faire ? Une marche blanche et des ballons dans le ciel ? Bah non, c'est un Américain quand même. Il va le buter. Alors avec ce film, vous avez les années 80-90 dans leur jus. C'est cliché au possible, avec les deux héros que leur culture d'adoption oppose, qui vont balancer des vannes de routier, avant de tuer les méchants qui sont tatoués, comme tout Yakuza qui se respecte. Ne cherchez rien au niveau de la mise en scène, c'est mou, c'est Mark L. Lester. Des fusillades, des grosses explosions, quelques combats poussifs, malgré la présence de Dolph et Brandon. Alors ça se regarde bien, avec un peu de nostalgie, et du coupage de bras, de tête, et surtout, Kari fait vraiment bien le méchant. Cruel, vicieux, violeur, assassin, il pourrait rentrer en politique. D'ailleurs, rigolo qu'il retrouve 2 ans plus tard la petite Tia Carrère dans Soleil Levant. Ajoutez à tout ça quelques trognes comme Al Leong ou Gérald Okamura. Oui, des Chinois, des Japonais, c'est débridé tout ça, faut pas non plus compliquer la vie du public. Et le tout avec un Dolph affûté, au cul bien ferme. Oui, quand c'est Dolph, ce n'est pas gay. Un plan nichon de Tia Carrère ou de sa doublure, et vous obtenez un programme simple qui pourra combler un homme simple. Et en plus, il ne dure que 75 minutes. Eh ben écoutez, ça m'a l'air pas mal tout ça. Que dire de plus? Moi déjà, Jason Lee, je... Oui, forcément, c'est bien. Après, avec Markel Lester, je dois avouer, comme mon comparse, avoir quelques petites réticences à son égard, notamment dû justement à son film sur l'immigré autrichien qui tabasse tout. Mais on en a déjà parlé avec dans d'autres circonstances, dans un univers parallèle chez Mergreen. Bref, je vous renvoie vers notre fameux tribunal du jugement dernier sur Commando. Décidément, on ne passe notre temps qu'à se faire de la pub ici. Bref, bon, allez, je me suis assez coupé la parole tout seul, maintenant on va parler de Dark Angel, une bonne grosse série B bourrine du tout début des années 90 avec un Dolph Lundgren au top de sa forme et réalisé par Craig R. Bexley, réalisateur de seconde équipe, notamment sur Predator. Un autre film d'alien belliqueux venu sur Terre pour assouvir ses bas instincts. Et c'est une double découverte pour moi. D'abord le film, hein, puis Mathias Huss. Bref, je sais pas. Mathias, quoi. Appelons-le Mathias. Depuis le temps que j'entends les copains d'Aikik parler de lui sans que je ne puisse associer une tête ou un titre à son nom, j'ai enfin vu son titre de gloire. Et il colle parfaitement à son rôle de méchant E.T. avec ses mimiques étranges et sa grande carcasse. Pour le reste, on est dans un film 80s bien dans son jus quand même, réalisé proprement par un pro de la cascade de l'époque. Musique bien marquée, plan nichon aussi généreux que gratuit et insultes homophobes à foison, le pack complet, la totale. L'histoire nous fait suivre l'enquête de Dolph, qui a la VF de Seagal d'ailleurs, contre un trafiquant de drogue extraterrestre, Mathias Huss. Bien sûr, ça pète à tout va, les bagnoles explosent régulièrement et Lundgren balance quelques bons coups de tatane. Avec son pitch improbable, mêlant polar et fantastique, ce Dark Angel me fait furieusement penser à Flic ou Zombie, la couillonnade en moins. Enfin, si on accepte l'arme E.T. ridicule, un lance-dé des tueurs, un peu comme le lance-disque du Predator, mais en cheap. Bon, en bref, je vous la fais courte, c'était quand même plutôt sympa. Si on accepte le côté homophobe évidemment des insultes régulières de la VF. Bon, et on enchaîne donc avec Commando d'élite, un film de et avec Dolph Lundgren de 2009, produit par New Image et doublé au studio Belleville. Je le sais parce que j'y ai participé, en tant qu'assistant ingé son. C'était une expérience très très sympathique et j'y ai notamment croisé Boris Rellinger. Bref, c'était mon petit moment, je me la raconte, mais c'est surtout pour expliquer que j'ai un a priori positif avec ce film qui me rappelle de très bons souvenirs. Et ça explique que je me sois laissé tenter par cet achat à la boutique de l'occasion. Et ça vous expliquera aussi ma relative indulgence par rapport à une œuvre somme toute assez quelconque. Comme beaucoup de films du colosse suédois d'ailleurs. On est ici dans un espèce de Die Hard-like tardif, où ce bon Dolph joue un ancien membre de gang de Los Angeles devenu batteur dans un groupe de hard rock russe. Oui, cherchez pas, c'est comme ça. Bref, il se retrouve coincé au mauvais endroit au mauvais moment, à savoir dans une salle de concert prise d'assaut par des terroristes. Je dois reconnaître qu'après les événements du Bataclan, ce film perd grandement de son côté divertissant. Déjà que c'était pas folichon au départ. Bon, disons-le clairement, le scénario est basique au possible. On sait que Dolph va tous les tuer et s'en sortir. Les combats et autres fusillades sont aussi molles que le cadre, et l'ego du géant blond rend certaines scènes gênantes malgré toute l'insympathie que j'ai pour lui. Le bon côté, c'est que ça ne dure qu'une heure et demie et que c'est à peu près rythmé. Autre bon point, mais qui n'a rien à voir avec le film, il y a un docu sympa sur Dolph sur le DVD. D'ailleurs, si vous voulez voir un film très sympathique avec Dolph, moi je vous conseille Don't Kill It, où il joue un tueur de démons qui doit justement ne pas tuer un démon, parce que s'il le tue, il passe sur une autre personne, et ainsi de suite, c'est très gênant. Donc il doit le capturer sans le tuer. Et celui-là, c'est pas un chef-d'œuvre, mais il est assez drôle. Et c'est sur cette petite recommandation qu'on va donc se quitter. Salut à tous, à la semaine prochaine. Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Dis Dani, viens, on va bien s'entendre. Ça fait pas un peu pub pour des aides auditives? Enfin, moi je dis ça, je dis rien.